cet état exceptionnel, enviable. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel vraiment? Est-ce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui, depuis sa naissance, son papa l'a mis waqaf d'un masjid jusqu'à ce qu'il meure, il n'est jamais sorti, il ne s'est pas marié, il n'a jamais vu la couleur de l'argent, il faisait rosa tous les jours et d'ajud toutes les nuits? Non, c'est pas quelqu'un comme ça. Et d'ailleurs, ces personnes-là n'existent pas non plus. C'est quelqu'un qui était avant tout un bon père de famille, comme vous et moi, ou alors une bonne mère de famille, ou alors un bon citoyen, comme vous et moi, si on est de bons citoyens. C'est quelqu'un qui travaillait, qui était intégré à la société, qui n'avait pas oublié qu'il a des devoirs envers sa femme et ses enfants sur le plan financier, sur les mu'amala, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Deuxième point, et c'est là où on voit la différence, c'était quelqu'un qui vivait dans ce dunya, qui travaillait, qui gagnait sa vie de manière honnête, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas fait de ce dunya un objectif. C'est ça, faire la part des choses entre vivre dans ce dunya et vivre pour ce dunya. Ce qui est interdit, c'est quoi? C'est que j'aime tellement mon magasin, j'aime tellement mon travail, j'aime tellement ce que je possède, que je suis prêt à sacrifier mon dîme pour cela. Je suis prêt à sacrifier un namaz pour mon travail. Je suis prêt à ne plus rendre visite à mes parents ou à désobéir à mes parents. Mes parents m'ont dit, allez pas habiter dans tel pays, reste près de moi. Je suis vieux, je suis âgé, dans quelque temps je vais quitter ce monde. J'ai besoin de toi, tu es mon fils unique ou ma fille unique. Non, moi je vais aller au Canada, moi je vais aller en Russie, moi je vais aller à Paris, je ne sais pas quel endroit, parce qu'on m'a promis tel ou tel poste. Tellement je suis attaché au bien de ce monde, que je vais faire passer cette attirance pour le monde, pour le dunya, avant le contentement de mes parents. Ce qui est interdit également, c'est que d'aimer tellement ce dunya, que je suis prêt à consacrer l'essentiel de mon temps. Ça devient une obsession.